La vie d'un mec est plus facile si sa femme est bien docile. Avec les autres surtout. Pour les nanas, c'est moins marrant, surtout si le mec est exigeant. Dès le départ, dès la naissance, les mecs partent avec plus de chance. Et ouais, c'est vrai, quand on y pense, on part avec un peu d'avance. Nous, on n'a pas les contraintes des femmes. L'humeur du mois ou la pleine lune, on ne connaît pas. Il n'y a bien qu'au jeu d'échecs et aux dames. Elles ont l'avantage sur toi et moi. Ivresse d'un soir, on connaît bien. Ce sera plus tard ou bien demain. On se rappelle, je te promets. Celle-là, je ne la reverrai jamais. Des mecs machos, on en voit plein. Moi au bureau, puis toi les gamins. Fais la vaisselle, fais les poussières. Tu m'étonnes que les femmes désespèrent. Nous, on n'a pas les contraintes des femmes. L'humeur du mois et la pleine lune, on ne connaît pas. Et il y a bien au jeu d'échecs et aux dames. Elles ont l'avantage sur toi et moi. Elles portent le gosse pendant 9 mois, pendant que nous on fume et on boit. J'ai beau me sentir fort comme un roc, moi je serai jamais en cloque. Tous les chapeaux, on aime les femmes, on n'est pas macho. On lâche une larme pour toutes ces demoiselles, des dames qui veulent de nous à corps et âme. On n'a pas les contraintes des femmes. L'humeur du mois, la pleine lune, on ne connaît pas. Il y a bien que des chèques et aux dames. Elles ont l'avantage sur toi et moi. Qu'elles ont l'avantage sur toi et moi.